Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Samedi 13 octobre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini ouvre sa saison locale en recevant la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif du secteur Dolbeau. Le coût d'admission est seulement de 8 $. Venez voir du hockey de haut niveau, à faible coût, avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! On va parler des prix orange, prix citron ce samedi matin. On va en parler avec notre ami Marc Diquet de Radio XNV. Salut Marc! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Marc, avant de commencer, j'ai pris ton entrevue avec Kevin Gilmore. Moi, j'ai eu Michael Fortier. Ça faisait bien pareil parce que c'était différent. Comment t'as trouvé ça, toi, ce projet-là? Ben, écoute, ramener la NBA à Montréal. Ben, amener, pardon, la NBA à Montréal. Moi, c'est la seule chose là-dedans qui me dit que ça pourrait peut-être être possible, c'est parce que, tu sais, Michael Fortier et Kevin Gilmore, allez voir son CV. C'est pas un deux de pique, tu sais, c'est pas deux tripeux de la NBA qui n'ont pas une scène qui décident de ramener ça, là. C'est vraiment des gars qui ont une expertise, des gens qui savent de quoi ils parlent. Puis, le problème numéro un quand tu veux amener une équipe dans un marché, c'est souvent l'amphithéâtre ou le stade, d'après des sports. Ben, à Montréal, tu l'as l'amphithéâtre. Fait que ce problème-là est déjà réglé à la base. T'as déjà le centre-ville qui est prêt à accueillir une équipe de basket, là. Reste à voir, par contre, si on verra ça bientôt, à court ou à moyen terme. Moi, je pense que si ça arrive pas d'ici 10 ans, ça arrivera jamais. Là. OK. Moi, je pense que quelque part, moi, ça me fait penser beaucoup. J'y crois pas, moi. Pas, parce que pour une simple raison, c'est qu'Adam Silver ne parle jamais de Montréal. Premièrement, il dit qu'il n'y a pas de projet d'expansion, il dit publiquement. Mais quand on parle souvent de Vegas. On parle souvent également de Seattle, surtout de Seattle, mais on parle jamais de Montréal. Et c'est ça qui fait en sorte que, regarde, j'y crois pas. Il y a également une ville comme Pittsburgh qui est très intéressante également, qui en veut une concession. Donc, tant mieux si ça se fait, tant mieux. Je vais être le premier à triper, mais il me semble qu'on est encore très loin de la Coupe aux Lèvres. Ouais, mais tu sais, si tu regardes les marchés dans lesquels certaines équipes évoluent, on peut penser à Memphis, on peut penser à Salt Lake City. On peut penser à Portland. Ces villes-là, c'est plus petit Montréal. C'est plus petit Montréal, dans un marché plus petit Memphis, encore. Memphis, la Nouvelle-Orléans. Tu peux en nommer plusieurs. Là. Puis les gens qui disent, je suis convaincu que ça marcherait, moi. Mais pour savoir est-ce qu'ils vont s'établir, c'est une autre affaire. Prix orange, prix citron. On va y aller avec ton prix orange pour commencer. Oui, mais mon prix orange, c'est bien simple, c'est au Saguenay. Ouais. Les Saguenayens qui ont, je te dirais pas rempli des promesses au cours de l'été, mais avec le repêchage et tout, on se disait, ça sera peut-être pas si pire que ça, on va peut-être avoir un bon club, tu sais, puis finalement, il y a une belle relève qui s'en vient. Ben oui. À la loterie, tu gagnes le premier choix, Hendrix Lapierre, qui est déjà rendu à 12 points. Et depuis le début de la saison, ça fait plus que le travail avec les 16. Il a encore gagné hier. Alexis Schenk, on parle pas tant que ça de lui, mais c'est le meilleur gardien de but de l'équipe d'hockey en majeur du Québec présentement. Oui, je voyais le pourcentage de rien. Ah, puis il a volé le match hier carrément, fait contre Sherbrooke. Fait que les Saguenayens, honnêtement, là, ont un début de saison absolument incroyable. Et sans compter le retour que les Sags auront pour le défenseur Noah Dobson, qui va leur appartenir très brièvement pendant la période des fêtes, c'est phénoménal. Et ce qui est le fun aussi, c'est que les Sags ont un marketing très agressif depuis quelques années. Je ne sais pas si c'est Serge Pou qui est responsable de ça. Là. Je ne sais pas qui est la personne là, en charge de ça. Mais, tu sais, on fait des vidéos. On a fait des vidéos de clinique de hockey. Ça fonctionne comme ça se peut pas. Oui. Et on va dévoiler la semaine prochaine le troisième chandail des Sags. Okay. Je pense qu'on l'attendait avec impatience, ce troisième chandail-là. Il faut faire attention. Les Sags, c'est quand même une équipe. Qui a de l'âge, qui est dans la Ligue d'hockey Jean-Major du Québec, puis souvent, il y a un petit esprit conservateur qui s'installe avec les équipes qui sont là depuis longtemps, mais je pense qu'on est rendu là d'avoir un troisième chandail. Il sera dévoilé mardi, Honnêtement, les Sags, tu sais, j'adore ce qu'ils font présentement. C'est tant sur la glace qu'au niveau du marketing, des promos, là, vraiment, vraiment, vraiment, là, c'est super intéressant. C'est pas eux autres aussi qui font les blocs Lego aussi des Saguenay? Ouais, ça a été la vidéo, là, ouais, ça a été fait au début de l'année, ça, effectivement. Ouais, fait que ça, c'était brillant aussi, cela, là. Ah, vraiment, vraiment. Puis l'équipe gagne. Ouais. Ouais, fait que quand le marketing est bon, puis que l'équipe performe pas, ben, c'est plate. Mais quand tout va bien, puis quand on regarde l'avenir des Sags, là, c'est vrai que l'avenir des Sags, c'est incroyable. Puis là, présentement, ils gagnent, en plus. Tu sais, ils sont sixième dans la ligue, là. Puis ils ont probablement une des équipes les plus jeunes, sinon la plus jeune. C'est phénoménal. Puis imagine-toi donc que les observateurs, je voyais en début de saison les observateurs qui mettaient dernier dans... C'est vrai que c'est une division très, très serrée, par contre, là. Très compétitive, mais on les mettait dernier dans je trouvais ça sévère, très sévère, là, ça, là. Ouais, mais on va attendre, tu sais, c'est une équipe de jeunes, après les fêtes. Ouais, c'est ça. La langue longue un peu, on va être patient, là. Ouais. Mais écoute, non, moi à date, honnêtement, ce qu'il donne depuis le début de l'année, c'est au-delà de mes espérances. Puis ça continue comme ça, ben c'est tant mieux. Ben oui, effectivement. Puis citron. J'en ai quelques-uns, puis citron. Écoute, je vais commencer peut-être avec l'arbitrage au baseball. OK, Angel Ramirez, tu veux parler. Dans le match d'hier, c'était encore entre les Brewers et les Dodgers, c'était encore plus flagrant. Trois décisions des arbitres qui ont été renversées. Des prises accordées dans la zone des balles, vraiment balles. Je ne sais pas ce qui se passe. T'sais, je sais bien que les arbitres au baseball, c'est pas la tâche facile des fois, des balles, des prises, des jeux serrés. Là. Ouais. Mais honnêtement, je ne sais pas s'il y a un laisser-aller ou si c'est des mauvaises coïncidences qui se passent présentement. Mais les arbitres, présentement, dans le baseball majeur, on l'air fou. Avec les reprises en plus, et là, les matchs de série de championnat, bientôt de série mondiale, c'est regardé à grande échelle, ça, là. Ben, les arbitres au baseball, présentement, là, ça ne va pas super, super bien. Ouais, ouais, OK. Et ensuite, tu en as plusieurs? Ah, j'en ai plusieurs. Écoute, l'autre, je sais pas, je connais pas le nom de l'individu, mais écoute, j'étais dans mon salon, là, et je descendais tous les saints du ciel, un par un. OK, je te vois venir. OK, c'est vrai. Ouais, les cérémonies d'ouverture du Canadien et surtout l'hommage aux anciens joueurs et dirigeants de 93. Exactement. Quand on a présenté, puis ça, à mon avis, c'est une erreur du Canadien, hein, quand on a présenté Jacques Demers et Serge Savard, on les a mis ensemble, et M. Demers, qui malheureusement est très, très, très affaibli par la maladie, était évidemment dans un fauteuil roulant. Mais, tu sais, il n'était pas au centre, puisqu'on les présentait, ceux qui ne l'ont pas vu, via les portes. Les portes où les gens pénètrent pour entrer dans l'enceinte de l'aréna, là. Il était comme un peu sur le côté. OK. Et il y avait des sièges pas loin et il y avait un maudit colon, un habitant, qui était debout, qui lui se voyait dans l'écran géant, puis était bien fier de ça, puis faisait comme dos à M. Demers. Il faisait des tatas. OK, tu peux faire un tata pendant à peu près 3 secondes. Tu sais, 3 secondes, Danny, le gars. 1, 2, 3. C'est long. Ouais. C'est long, 3 secondes. Là, lui, le cave, se faisait aller les bras comme un imbécile. C'est pas un jeune, là. C'est un gars dans la cinquantaine facile. Il avait l'air d'un imbécile heureux. Et là, sa femme, il tire sur le coude un peu en voulant dire « Hey, hey, gros, assis-toi, tu sais. » Ouais. Le gars s'assit, se relève encore après, puis moi, j'avais de la misère à voir le visage de Jacques Demers, puis tu sais, je me disais « Mais quelle cave! Quelle cave qui vient complètement, qui vient se cramper un moment comme ça! » Moi, j'espère que le gars, là, depuis ce temps-là, il a un petit peu honte, puis que à job, là, il soit pas arrivé, hey les gars, mais vous vivez à TV! Non, va te faire foutre, là. T'as vraiment gâché un moment important, tu sais. Oui. Puis le Canadien, honnêtement, je pense que Jacques Demers aurait dû être présenté au centre de la patinoire. Oui, effectivement. Puis imagine, pis ça, on trouve ça, moi, ça m'a pas épaté, là, les présentations via les portes, là. Mais ceux qui ont payé le gros prix pour être dans l'aréna, là. Oui. Ils l'ont vu à TV comme nous autres, Demers. Mettons qu'il est dans la section, je sais pas, moi, 127. Ouais. Ben, c'est dans section 134, tu le vois pas, là. Effectivement. T'es vois pas pantoute, t'es bon. Tu sais, à moi qu'ils soient vraiment à côté de toi, là, t'es vois pas pantoute, là. Tu sais qu'ils sont là, t'es vois sur l'écran, mais t'es vois pas. Moi, traitez-moi de chialeux, ben écoute, moi, honnêtement, je trouve ça correct sans plus. OK. Mais c'était bien, là. Mais moi, la cérémonie a été quand même critiquée par plusieurs. Pourquoi fêter ça? Parce que quelque part, c'est 25 ans de médiocrité. C'est Oui, c'est vrai qu'on vit dans le passé. Le Canadien, c'est vrai qu'à un moment donné, on est tanné des flambeaux, puis on est tanné de Maurice Richard, puis on est tanné de Jean Béliveau. Puis c'est vrai, là, sans manquer de respect à ces gens-là, maintenant, il faut pas vivre dans le passé non plus. Là. Ben, tu sais, ça fait 25 ans, couple. Là, je pense que là, il y a plus de... Oui, mais là, ça se fait. Ouais, un 25 ans, ça se fait, hein? Non? Un 25 ans, ça se fait. Ouais, ça, je suis d'accord. Pour le match d'ouverture, je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Tu sais, 25 ans, c'est correct. Là, 30 ans, je pense pas. Non. Dans 25 ans, on aura une gang qui sont morts, là. Fait qu'ils vont être trop tard. Ouais. Mais, non, moi, c'est correct comme ça, honnêtement, là. Mais c'est vrai que là, faut en venir, là, de la Coupe de 93, là. Puis, ouais. Tu sais, oui, tu peux dire, tu sais, c'est leur dernière participation. Tu sais, c'est gênant, c'est honteux. Bon, oui, le Canadien a eu des saisons honteuses. Mais tu sais, c'est une équipe par année qui gagne la coupe. Là. Ouais. Je veux dire, c'est pas. Puis c'est plus ce que ça fait. Ben non. Tu sais, une ligue à 6 équipes, puis une ligue à 32, comme on va être bientôt, t'as pas mal moins de chances de gagner. Là. Ben non, tu sais, puis les années 70, tu sais, les années 80, honnêtement, le Canadien en a gagné une. Ouais. Mais les années 80, moi, je te disais, quelle équipe gagnante, tu penses à les 80? Tu penses aux Islanders, tu penses aux Oilers, tu penses pas aux Canadiens? Ben non, effectivement. Puis, oui, il y a eu une finale avec Pat Burns en 89. Mais tu sais, s'il y avait 21 clubs dans ce temps-là, tu sais. Puis t'avais des clubs. N'oubliez pas une chose, puis c'est pas pour diminuer ce que le Canadien a fait dans ce temps-là. C'est merveilleux, là. Mais dans les années 70, 80, il n'y avait pas une grosse parité, là. Tu sais, la saison commençait, là. Puis tu savais que les Warriors, ça n'a vraiment pas une série. Tu savais que les Nordiques, surtout en 89, 90, tu savais qu'ils ne feraient pas les séries. Mm-hmm. Tu sais, il n'y avait pas de parité dans ce temps-là, vraiment, comme aujourd'hui. Tu sais pas, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Et ton troisième? Ben, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Ça s'est passé à Vegas, samedi passé. Puis là, je vais mettre les choses au clair, là. Je suis pas un amateur d'arts martiaux mix, OK? J'aime pas ça. Ça m'empêche pas de respecter les gars qui font ça. Ça m'empêche pas d'avoir une admiration parce que c'est des machines d'entraînement, les gars qui font ça. Là. Vraiment, c'est des gars qui sont sérieux, qui sont. Il y a quelque chose là-dedans qui est très populaire. C'est en train de. Ben, ça supplante la boxe. Là, ouais. Mais moi, honnêtement, traitez-moi de tapette. Là, on m'a vu avec, il n'y a pas de problème. Mais on peut pas tout aimer non plus. Là. Un petit peu, on peut pas tout aimer. Je suis un peu sensible. Hein, des fois, il faut. Mais tu sais, je comprends les gens qui trippent là-dessus. Puis ce qui est le fun, c'est qu'au cours des années, pis ça a pris quand même peut-être quoi une vingtaine d'années, puis ça a pris des ambassadeurs, puis j'ai pas besoin de nommer Georges St-Pierre au Québec, qui ont rendu ce sport-là sérieux, avec une certaine rigueur. Mm. Et malheureusement, ce qui s'est passé avec Nurmagomedov et oublie son nom, McGregor, bon, Robert, c'est après le combat, puis tu sais, c'est Patrick Côté d'RDS, qui est un ancien combattant de la UFC, qui sait pas mal mieux de moi de quoi il parle. Mm. Il y a eu une réflexion que j'ai eue moi-même. Ils viennent de faire un culot de sport de 10 ans avec des foleries de même. Tu sais, les gens, c'est pas vrai qu'ils aiment tout ça, là, les folies comme ça. Là. Puis c'est malheureux parce que ça fait une petite tâche. Moi, je pense pas que ce sera une tâche dramatique que ça. Mais ceux qui sont remplis de préjugés face à ça vont s'ouvrir la trappe. Et ceux qui sont là-dedans, qui sont sérieux, sont en maudit. Tout le monde est en maudit là, avec une chose comme ça. Tu sais, ça fait ombrage au combat, ça fait ombrage que Nurmagomedov en a sacré une à McGregor. Puis ça fait, tu sais, c'est malheureux pour ça. Moi, je trouve ça très malheureux pour ça. Puis ceux qui sont corps et âme dans ce sport-là, ça fait une tache noire, malheureux. Tu sais, c'est un peu comme, c'est un peu comme, tu sais, je vais te faire une comparaison très douteuse, là, mais quand même, la ligue nord-américaine de hockey, hein. Ouais. Tu vas avoir 50 beaux matchs en année, tu vas avoir une foire, ça va juste parler de la foire, puis ça va être Ligue de clown. Ben, à grosse échelle, c'est un peu ça qui est arrivé avec l'UFC en fin de semaine passée. Là. Ils ont une réputation parce qu'ils ont commencé, la Ligue nord-américaine a commencé, ils ont vendu leur produit en des bagarres, puis c'est dur ça de faire de quelque chose. Hein. Il y a encore du monde qui pense que c'est des bagarres, puis c'est des bagarres. Non, puis souviens-toi, la UFC, ça commence au affaire. Québec, là, pas la UFC, mais les arts martiaux mix, c'était dans des réserves, puis c'était géré par des gens sur qui on... C'était géré par des gens, Danny, sur qui on ne fera pas de blague. Hein? Point nu aussi, c'est ça, ça s'est raffiné avec les années, tu sais, puis c'est tant mieux comme ça, là. Ouais. Tu sais, moi, ça ne m'empêchera pas d'avoir du respect pour les gens qui évoluent là-dedans, là, si c'est passé. Tu sais, c'est un incident qui est isolé, mais qui a tellement fait parler par la masse que... Malheureusement, ça fait mauvaise presse. OK. Moi, mon prix orange, je vais le donner à deux équipes, les Leafs de Toronto. Ils Sont-tu plaisants à regarder, les Leafs de Toronto? La question qu'il faut se poser avec les Leafs, combien de temps que ça va durer? Ouais. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose. Là. Ouais. Ça ne peut pas durer même toute l'année. Non, ça ne durera pas toute l'année de même. Mais on savait que ça allait être une équipe offensive. On savait qu'avec les Tavares, les Austin Matthews, les Mitch Marner et compagnie, Morgan Riley à défense, que ça allait être une équipe très, très excitante à regarder jouer. Puis je pense qu'ils livrent la marchandise. T'es-tu d'accord avec moi, Marc? Allô? Oui, est-ce que t'es là? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'ai perdu. Ouais. Ouais, je t'ai perdu un peu. Ouais, ce que je disais, on savait que les Morgan Riley, on savait que ça allait être une équipe très excitante, mais en début de saison, ils livrent la marchandise pas à peu près, là. Écoute, on dirait les Oilers de 1983, là, c'est quelque chose. Ils se marquent beaucoup plus de buts en début de saison. Je pense que le jeu va se resserrer au milieu de la saison, mais quand même, c'est très excitant. Moi, je pense pas qu'il manque des éléments pour être des sérieux aspirants à Coupe Stanley. Moi, j'aurais très bien vu chez Weber et Katie. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, honnêtement, oui, un défenseur, ça aiderait. Je ne truste pas, je ne fais pas confiance au gardien de but qui est Frédéric Anderson. Ça prend un défenseur et un gardien de but. Un défenseur, un Weber, j'aurais vu un fit parfait avec Canadiens-Toronto. Les Leafs sont plusieurs jeunes. Mais je pense pas qu'un nommé capitaine, puis jamais Marc Bergevin va le changer parce que c'est comme avouer son erreur. Donc, moi, c'est les Leafs de Toronto. Et l'autre équipe, c'est les Brewers de Milwaukee. C'est une équipe qui gagne à être connue. Belle petite équipe, petit marché. Puis les équipes de petit marché, j'aime bien ça. Oui, t'as raison. Ça donne. Comment je te dirais ça? Ça donne de l'espérance, ça donne de l'espoir. C'est le fun d'avoir ça, les petits marchés aussi. Là. Donc, c'est une équipe qui, à part avec Chris Yelich, ils ont des joueurs que peu de monde connaît. Tu étais à Aguilar, dans le début de saison, tu ne connaissais pas Aguilar. Lorenzo Cain, c'est un vétéran. Ils ont un enclos de relève incroyable. Moi, j'ai prédit les Dodgers, mais par contre, ils vont livrer une belle bagarre. Puis le fait que c'est un petit marché, c'est toujours le fun. Tout à fait. Ben, tu as vu l'amphithéâtre en plus? Ouais. Pas l'amphithéâtre, le stade. Hey, ils sont construits de quoi de bon maudit, là? Ben, c'est clair. Puis c'est ceux-là qui disent que Montréal n'a pas de marché pour aller voir à Milwaukee. Il n'y a pas grand-chose à Milwaukee. T'as-tu été à Milwaukee? Moi, je n'y ai jamais été, mais il n'y a pas de l'air à voir grand-chose. Ça n'a pas de l'air à être. Ouais, mais tu sais, Danny, là, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, je sais. J'adore la région, mais il y a sûrement des belles choses, tu sais. Ouais, c'est sûr. Marc, puis pour le prix citron, c'est le même que pour les mêmes raisons, fait que j'irai pas bien. Puis l'autre prix citron, encore une fois, je pense qu'il va y en avoir plusieurs d'ici la fin de la saison. Kevin Reed, qui nous prend pour une gang d'imbéciles. Kevin Reed, qui échange Patrick Lavoie cette semaine, qui échange Chris Hockey, le meilleur joueur canadien, puis qui s'en va dire que l'avenir des Alouettes est rose. Tu sais, prends-tu des imbéciles, là? Tu sais, à moins de ferme ta gueule, puis au moins ferme ta gueule. C'est la seule affaire qui pourrait le sauver, là, ouais. C'est le sauver. En tout cas, s'il y a un deal avec Chris Hickey qui dit je vais signer l'année prochaine avec Montréal, tu sais, ouais. Là, tu vas chercher un choix de deuxième ronde, tu comptes rien, tu sais, ça vaut la peine, là. Rendu là, c'est intéressant. Mais je doute. Ouais, j'ai des gros doutes, tu sais. Ouais. Puis quand les gars, ces gars-là vont se retrouver avec leur nouveau club. Hey, c'est bien beau des francophones, là, pis t'es bas à Montréal. C'est tout croche. Ils sont chanceux, Danny, que le baseball soit pas à Montréal parce qu'ils seraient en train de mourir. Ouais, c'est tout croche, puis c'est pire, je pense. Kevin Schwein, c'est le pire directeur général que j'ai jamais vu, tout sport confondu. Puis la question que je me pose, c'est de dire, mais juste à RDS qui a posé, y a-t-il un pilote à bord? Tu sais, à un moment donné. C'est une question. À un moment donné, c'est bien beau, Kevin Reed, mais y a-t-il un propriétaire qui est capable de parler? Y a-t-il un propriétaire qui dit ça suffit? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il un pilote à bord? Moi, je me pose la question si Whitnall n'est pas en train de vendre l'équipe. Ce sera meilleur à faire. Il baisse la masse salariale. Tu sais, quand tu fais une équipe qui est en difficulté, là, un des moves que tu as à faire, c'est de baisser la masse salariale le plus possible. Est-ce que Whitnall est en train de vendre l'équipe? Moi, c'est la question. À ce stade-ci, tu sais, il parle pas, il laisse Kevin Reed. Moi, à ce stade-ci, c'est ce que je pense. Ce qu'on dit, c'est que Robert Whitnall est très malade et c'est son fils Andrew qui mène l'équipe actuellement. Mais il y a de quoi anguiller sur Roche parce que là, à un moment donné, là, Y a-t-il un pilote à bord? Excellente question de Didier Mégis à RDS cette semaine. Donc, il est allé dire sur Twitter, Didier, il dit, on devrait interdire un gars qui a une fiche de 6 victoires, 27 défaites à faire des échanges. Je l'ai trouvé bonne, celle-là, mettons. Écoute, quand les médias de Montréal plantent ouvertement des jeux, là. Ah ouais. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Ah, non, ça, non, effectivement. Ils sont pas abrasifs comme ça avec Marc Bergevin. Non. Marc, on se reparle samedi prochain, entre-vous samedi prochain, à ta guise. Pas de problème. Fait que, pas de problème, Fabrice. Puis Orange, puis Citron avec Marc Diquet de Radio X5.